Bon, et maintenant, tous ensemble. Vous venez avec nous? Allons. Bien sûr, l'aventure continue. Maintenant, je fonce, Alphonse. Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne. Tour à tour, reporter de guerre, photographe, documentariste, portraitiste, toute sa vie, Raymond Depardon n'a cessé de prendre la route pour observer le monde à travers l'objectif de son appareil photo ou de sa caméra. Depuis plus de 50 ans, il nous rapporte les contrastes, les ombres et les lumières des pays qu'il traverse et des gens qu'il rencontre. Son premier grand voyage, c'est celui qui lui a fait quitter la ferme de ses parents à 16 ans pour monter à la capitale et vivre sa passion pour la photographie. Un premier grand voyage qu'il vivra comme un déracinement. Mais ses racines paysannes, il les retrouvera ailleurs au détour des chemins de terre d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Elles le conduiront également à réaliser 3 films sur l'évolution de la vie agricole en France entre 1998 et 2008. L'insatiable curiosité du photographe l'emmènera aussi loin des campagnes, des pampas et des brousses. Il a eu dans son viseur des grands fauves de la politique. Appareil photo en bandoulière, il s'est aussi enfoncé dans la jungle des grandes villes aux États-Unis ou encore au Japon. Son dernier ouvrage est d'ailleurs consacré au pays du soleil levant. Il s'intitule « Japon Express de Tokyo à Kyoto » aux éditions Point Seuil. Que garde l'insatiable photographe baroudeur de tous ses voyages et de toutes ses rencontres? Nous allons en avoir un aperçu. Raymond Depardon passe par notre bivouac cet après-midi. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique de Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Parce que, nécessairement, ils viennent des endroits très, très différents. Très différents. Ils forment leur manière de voir. Chacun, en fonction de son histoire. Le photographe Sebastião Salgado dans son documentaire Le sel de la terre. Vous êtes d'accord, Raymond Depardon? Il y a autant de façons de photographier qu'il y a de photographes? Oui, sans doute. C'est vrai que j'ai eu la chance un petit peu de survivre d'abord, parce que j'ai été photographe de guerre, reporter, et il y a eu beaucoup de gens qui sont plus là. Mes amis sont plus là, Michel Laurent, Olivier Rebaud, Gilles Caron. Je ne sais pas s'ils auraient passé la transition entre photographe de professionnel de reportage, comme nous étions tous il y a 20 ans, 30 ans, à photographe de voyage. Parce que ça, c'est ça qui est un petit peu difficile, et tous n'ont pas passé. Je vois là, Don McCullin ou David Burnett, et ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils restent toujours des photographes de presse, politiques, forcément. Mais moi, je sais que le voyage m'a sauvé la vie, parce qu'à un moment, dans les années 70-80, le photojournaliste s'est arrêté. Et j'avais eu cette chance d'avoir voyagé, moi qui n'étais pourtant pas prédisposé à être voyageur, parce que je suis plutôt casanier. Oui, plutôt casanier, ça paraît incroyable, parce qu'on va se rendre compte que vous êtes allé partout, que vous avez fait énormément de voyages, mais au départ, vous le dites, plutôt introverti, timide, d'un milieu paysan, attaché à la terre, et pourtant une vie de voyage. Oui, et puis peu de connaissances en langue étrangère. Oui. Encore maintenant, il paraît que vous avez peu de mots de vocabulaire d'anglais, et vous... Vous parlez avec 150 mots, vous avez réussi à parcourir le monde et à vous ou faire comprendre. Moins, parfois, 50 mots. Mais, on fera pas de test. Voilà, bon, c'est vrai que, déjà, si on a 50 mots japonais, c'est déjà pas mal, hein. Ah oui. Effectivement. Si c'est 50 mots dans chaque pays, c'est déjà pas mal. Donc, moi, j'ai 50 mots tout bout aussi, comme ça, j'ai des 50 mots. Non, mais c'est vrai que, peut-être, effectivement, j'étais un peu trouillard comme reporter. Je me portais pas trop volontaire pour aller. J'ai fait aussi forcément des conflits, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, beaucoup d'autres choses, et beaucoup de troubles dans le monde entier. Mais j'aimais pas ça, la violence. J'aime pas trop la violence. Et pourtant, alors c'est vrai qu'on de passer de faire des photos des gens comme ça avec des kalachnikovs au Tchad, et puis d'un seul coup vous arrêtez de photographier les kalachnikovs et vous passez à des photos des nomades normales, je dirais une femme et un homme qui sont avec leur chameau, et que ça n'a pas l'air exotique. C'est très difficile, parce que faut, sans tomber dans le pittoresque, Mais c'est vrai qu'aussi le fait que j'ai été photographe, reporter, journaliste, je reste toujours au fond de moi. Je vois très bien le politique là derrière, puisque ces gens, beaucoup de gens souffrent d'abord, mais aussi beaucoup de gens m'accueillent formidablement bien. Ouais. Alors donc je suis un peu tiraillé comme un citoyen du monde. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps en Afrique, au Moyen-Orient, peut-être un peu moins maintenant, et j'ai envie d'aller ailleurs, et je vais ailleurs aussi. Il y a tellement d'autres pays à voir. Je suis toujours aussi pour l'éloge du voyage lent, puisque c'est très à la mode en ce moment. Ouais. Voilà. Alors à pied, peut-être c'est un petit peu difficile, en vélo aussi, mais effectivement... On peut pas voyager comme une autre personne quand on est photographe. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'arrêter. Si on est dans un bus, on est bloqué. On voit par la fenêtre des choses formidables. Ouais. Donc il faut pouvoir descendre du bus. Ouais. Donc ça nécessite certaines choses. Et moi, c'est vrai que je suis très heureux en voyage et je pense que ça m'a sauvé. Peut-être. Je sais pas, peut-être d'une dépression. J'habite la banlieue et mon médecin, qui me connaît pas, il m'a dit, mais vous êtes déprimé, monsieur Depardon. Alors, je lui ai dit, j'ai réfléchi beaucoup, je me suis dit, je suis déprimé. Peut-être que tous les photographes, on est un peu déprimés quelque part aussi, parce que sinon, on ferait pas de photos. On va noyer son chagrin en voyageant. Alors. Voilà. Alors, c'est vrai que peut-être que quand je voyage pas, je suis déprimé. Mais quand je voyage, je suis sûr que je suis pas déprimé. Ouais, c'est ça. Un peu le voyage comme antidépresseur. Alors, comment la photographie est-elle entrée dans votre vie, Raymond Depardon? Alors ça, c'est un miracle parce que j'ai vraiment mes parents, vraiment, c'était des gens formidables puisqu'ils étaient nés au siècle, quoi. Voilà, vraiment, ils étaient contemporains de gens. Maintenant, après, je m'en suis rendu compte. Mon père, il avait le même âge que Ozu ou Walker Evans. Ouais. Hein, ça, c'est une image comme ça. Et il était très doux. Et ils m'ont jamais, je dis toujours, ils m'ont jamais. Pourtant, je sans doute l'aurais mérité d'avoir une paire de gifles comme ça. Ce qui était assez commun à l'époque, mais ils m'ont jamais... Ils étaient paniqués, parce qu'ils se sont bien aperçus, bien avant moi, que j'étais pas fait pour reprendre la ferme. Ouais. Alors, il y a cet événement, on offre un appareil photo à votre grand frère, oui. Jean Depardon. Oui. Lui s'en désintéresse un peu, ça l'intéresse pas. Vous, tout de suite, vous accrochez avec l'appareil. Et quand vous dites, mes parents, ils étaient formidables, c'est-à-dire que eux, ils ne comprennent pas bien... Quel intérêt vous avez, quelle curiosité, quelle fascination vous avez pour cet objet et les photos que vous pouvez prendre avec. Mais ils vont vous accompagner. Ils vont accepter. Oui, ils vont même m'accompagner aux puces de Lyon. Ils vont, à un moment, même mon père va aller voir un opticien de Villefranche-sur-Saône et en disant, vous avez pas besoin d'un apprenti. Il lui a dit oui. Et puis moi, je me suis retrouvé, voilà, comme apprenti à 16, 17 ans, à 15 ans même. Et puis là, il y avait une chance, il y avait un photographe qui était lui qui faisait le travail des photos d'amateurs à l'époque, des photos dentelées comme ça qu'on va chercher, qu'on donnait au photographe. Ouais. Il m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Et puis je suis monté à Paris très tôt, trop tôt, quoi, bien sûr. Ouais. Mais 16 ans. Fois, 16 ans, vous montez à Paris. Vous parlez d'un déracinement intérieur, une sorte de plaie qui ne se refermera jamais. C'était trop tôt, ce départ. Oui, je suis un exilé de l'intérieur. J'ai vu ça, d'ailleurs. Il y a eu des grandes émissions ici à France Inter sur les exilés de l'intérieur. Ah, j'en suis vraiment un exilé de l'intérieur. C'est vrai que c'est un choc, hein. Paris, j'étais tout seul, comme ça, bon. J'étais chambre de bonne et tout, et puis très vite le photojournaliste, à l'époque il y avait beaucoup de demandes pour ça, et pour faire des photos, effectivement. Et alors il y a quelque chose de très rationnel chez moi qui a saisi comme ça un sens que je connaissais pas. Je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui en demandaient plus que d'autres. Alors je me suis dit, bon, puisqu'ils veulent tous Brigitte Bardot et le général de Gaulle, donc le général de Gaulle c'était plus difficile, parce qu'il a quand même une protection, et je me suis mis à photographier Brigitte Bardot une fois comme ça, et puis ça a valu une double page dans Paris Match, puis on m'a envoyé en Afrique. Parce que je suis tombé à la pleine décolonisation de l'Afrique. Mmh. Donc je suis vraiment un photographe de la décolonisation. De sartrien dans un certain sens, mais après que je me suis aperçu. Ouais. Donc on m'a envoyé dans plein d'endroits où il y a eu la décolonisation, les pays avaient l'indépendance, l'Algérie pas tout de suite, mais un peu après, la Côte d'Ivoire, tout ça. Et à la fois, j'étais une nouvelle génération, donc j'avais peut-être, grâce à cette racine paysanne, j'étais pas trop complexé. J'arrivais vers les gens, voilà, un peu la gueule enfarinée, et finalement, les Africains, ils voyaient bien que j'étais très jeune, que je pouvais pas être un colon, ni un militaire. Et puis, je faisais des photos, et quelque part, j'ai été sauvé par cette ruralité. Oui, c'est-à-dire que souvent, très loin de chez vous, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, sur des chemins de terre, vous croisez des gens qui cultivent la terre et vous vous sentez une proximité immédiate avec ces gens. Vos racines paysannes d'agriculteurs, finalement, vous les retrouvez dans ces pays. Ah oui, surtout, ça a été le choc a été en 71 au Chili, où j'avais perdu beaucoup de photographes, dont Gilles Caron, bien sûr, et je me suis dit, le prochain, c'est moi, quoi. Ouais. Et un ami m'a emmené au Chili, c'était la première année de l'Unité Populaire, à l'aîné venait de prendre le pouvoir, le premier régime socialiste en Amérique du Sud. Ouais. Et là, il redistribuait les terres, aux Mapuche, notamment dans le sud du pays. Et là, j'ai vu que de faire des bœufs avec quelqu'un qui laboure, ça avait un sens. Donc il y avait comme ça, j'ai fait des photos, j'ai aussitôt écrit à mes parents en disant mais c'est formidable, il y a encore des labours avec des bœufs comme chez nous, et j'ai senti que cette photo, ces photos avaient un sens géopolitique, et j'ai eu de l'espoir en me disant mais si je faisais le tour du monde comme ça en faisant ce genre de photos, je pourrais en vivre et je pourrais avoir et les parutions et faire des livres. Et faire des films. Alors là, vous aviez 28 ans, hein, c'était au Chili avec ces Indiens à Mapuche, mais même plus récemment, hein, je crois que c'était en 2013, vous étiez en Bolivie, vous voyez pas loin de Santa Cruz sur un chemin une charrette avec dessus des paysans, mais très bien habillés parce qu'ils se rendent à la ville. Et vous revoyez, ça vous renvoie des flashs de votre enfance, vous revoyez votre père qui mettait son plus beau costume pour aller au marché aux bestiaux. Oui. À chaque fois, il y a cette proximité qui vous renvoie à votre enfance. Oui, parce que habillé en dimanche, comme on dit. Oui, en dimanche. Oui, c'est sûr. Et à la fois, je pense que j'ai une incroyable... Je suis très culotté comme ça. Ouais. Je suis timide et tout. Mais j'ai pas peur. Voilà. Je sais que beaucoup de mes confrères, par exemple nord-américains, qui sont des grands photographes, il leur faut des fixeurs, il leur faut des chauffeurs. Ah, les fixeurs, c'est des gens qui viennent devant et qui disent à qui on va s'adresser, comment ça va se passer. Il leur faut tout le temps quelque chose, des assurances, je sais pas quoi. Et moi, je pars en Afrique comme ça, voilà, du jour au lendemain, je pars en Amérique du Sud. Et quand je vois les gens comme ça dans les champs, je m'approche et je vois souvent le journaliste, il reste dans sa voiture, il me dit « Mais tu vas où là ?»« Je vais voir, je vais faire photographier. » Et puis, ça se passe très bien. Ouais. Parce qu'au fond, c'est un rapport direct. C'est pas une question de voler des images, c'est une question, au fond, de faire exister les gens. Mmh. Et je crois que ça, je pense que c'est... j'ai pas peur de photographier, or j'aurais plutôt peur de photographier une jeune fille blonde dans la rue, quoi, bien sûr, et j'ai pas peur de photographier un paysan. Ouais, vous seriez plus intimidé par une jeune fille blonde que par ces paysans à l'autre bout du monde. Vous avez consacré 3 films entre 1998 et 2008 à l'évolution de la vie agricole en moyenne montagne en France. Vous donnez la parole à ces agriculteurs et agricultrices qui, pour certains d'entre eux en tout cas, ne sont pas de grands bavards. Tu veux un café, là ? Oui. Sinon, après, il va être froid. Vous habitez ici depuis combien de temps ? 63. 1963 ? Oui. Mais je suis né en face. Oui. Vous êtes né en face ? Juste en face. Et la maison s'en fait, là. Et vous aussi, vous êtes né là, ici ? Oui. Vous êtes marié à quel âge ? Oh, mon Dieu. Je ne me rappelle pas. Le mariage a eu lieu ici ? Oui. Oui. Extrait. extrait du troisième film de la trilogie que vous avez réalisé hein, sur l'évolution de la vie des agriculteurs en France, Raymond Depardon. Beaucoup des agriculteurs que vous avez rencontrés étaient économes en mots. On l'entend là, hein, oui, non, un sourire, on entend la soupe en même temps qui est avalée. Ça aurait découragé certains documentaristes, pas vous. Hein, vous laissez pas intimider par ces silences. Parce que là encore, vos parents, votre père, étaient quelqu'un de taiseux. Oui. Oui, alors ça c'est très étrange. D'abord, je crois que c'est grâce au voyage que j'ai pu faire ce film. C'est-à-dire qu'en étant ailleurs, loin de la France, loin de ces montagnes, et je me suis dit, mais je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Quoi. Ouais. Est-ce que ça serait pas de revenir un peu sur d'où je viens, qui je suis? Et au fond, mes parents n'étaient plus là, mais au fond, je suis parti faire ce repérage et tout le monde me disait « mais ça n'existe plus, tes parents c'est fini, la toile cirée c'est terminé et l'agriculture intensive a pris le relais ». À part qu'il y avait, ce que personne ne m'avait dit, il y a la moyenne montagne, et c'est-à-dire que toutes ces régions, les Cévennes, la Haute-Loire, la Haute-Saône, ils ont encore il y a des endroits qui ont 1000 mètres d'altitude, le terrain est accidenté. Et là, la culture intensive ne peut pas arriver puisque c'est trop accidenté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est peut-être pas majoritaire en France, mais c'est quand même important. J'ai été très découragé et c'était compliqué parce que je sais pas pourquoi. Il y avait encore du pétiniste en France. C'est-à-dire que les gens me disaient, mais voilà, c'est qu'est-ce que c'est? Mais moi, je voyais bien que c'était des gens intéressants, en avance, notamment dans les Cévennes, où là, ça a été vraiment un reportage qui m'a demandé beaucoup de temps. On l'a fait avec Claudine, on y a passé du temps. Votre femme? Et tous les deux seulement. Ouais. Pas de personne, pas d'assistant. Et on est dans le livre des rockers parce qu'on a tourné en 35, en scope. Elle en 5 plus 1, et moi, voilà. Et parce qu'il fallait pas non plus les esquinter. Il fallait vraiment les filmer le mieux possible. S'il y avait une caméra, s'il y avait un objectif, s'il y avait un micro qui pour Adjani, pour Depardieu, on les prenait parce que c'était ça. Et il fallait les aimer aussi, être patient. Et puis pas rester trop longtemps non plus, pas trop lourd, parce que ce sont des gens que, vous savez, je sais qu'à un moment, ils m'ont dit « on est content de vous voir ». Alors là, j'avais gagné. Vous vous êtes dit que vous aviez gagné leur confiance. Oui. Ça a été le plus dur, gagner leur confiance? Oui, c'était le plus dur parce que au départ, ils disaient « mais pourquoi moi ?» Ouais. Et forcément, et puis c'est vrai qu'ils ne parlent pas beaucoup et j'ai été obligé d'un petit peu parler, mais moi, j'avais pas envie de parler, mais j'étais j'étais obligé un tout petit peu de filmer. Et donc, c'était il y a même des moments, je disais, Claudine dit toujours que j'ai dit des bêtises, puisqu'il y a un moment donné, un agriculteur, c'est une petite anecdote qui est assez drôle, j'ai dit « c'est tous les ans votre anniversaire ». Ah oui. Oui, effectivement. En tout cas, vous vous êtes pas planté. Hein. C'est pas complètement alors, une erreur. Donc, ça voulait dire que je parlais parce qu'il fallait que je parle pour pas laisser trop les silences s'installer, les vides, et je voulais pas les déranger non plus. On va revenir dans un instant sur les autres voyages, les autres expériences que vous avez eues, notamment en tant que reporter de guerre. Raymond Depardon est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter. Je pensais C'était Kate de Charlotte Gainsbourg sur France Inter. J'avais envie de faire un vrai voyage, solitaire sur ces terres millénaires. J'aime cette liberté de pouvoir descendre au hasard dans ces petits hôtels, le long des routes, de faire son itinéraire tous les jours, improvisé en fonction de nos rencontres, de nos horaires, de la lumière. Je suis seul avec mon voyage, heureux d'être seul ici au cœur de l'Afrique, au milieu du continent, loin de l'actualité, loin des événements, et pourtant au cœur de quelque chose. J'aperçois les vrais problèmes, je suis heureux de pouvoir vous montrer l'Afrique que j'aime. Extrait d'un film que vous avez réalisé, Raymond Depardon, en 1996, Afrique, de point, comment ça va avec la douleur. C'est une expression africaine, cette expression un peu étonnante, un peu triste, oui, comment oui. Ça va avec la douleur. Oui, parce qu'ils se servent du mot douleur pas de la même manière que nous. Nous, c'est un mot fort, très fort, c'est réservé à la résistance, à Marguerite Duras. Eux, ils s'en servent un peu comme, voilà, ça va avec la douleur. Et donc, tous les jours, je sais que je suis resté longtemps au Tchad. Je suis même resté 8 mois. Et puis, il y avait des Tchadiens qui me tous les jours, ils me disaient, Raymond, comment ça va avec la douleur? Donc, je me suis dit vraiment, bon, bah, ça va avec la douleur, ça va. Mais c'est vrai que j'ai passé, donc, de 1960 à aujourd'hui encore, j'y vais souvent en Afrique. C'est pour ça que vous me demandiez pourquoi j'étais là le 14 août à Paris. Ouais, c'est vrai que ça, je vous le demandais hors antenne. Oui, ben oui, mais c'est vrai que c'est l'hiver qu'il faut aller là-bas et ça m'empêche pas d'aller voir des fêtes de village en ce moment en France aussi et aussi voilà l'Afrique, il faut c'est immense. J'arriverai jamais à faire toute l'Afrique, bien sûr, mais j'y retourne et il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. On m'avait beaucoup traité d'afro-pessimiste. J'aimerais m'être trompé. Malheureusement, j'ai encore plein de nouvelles. J'entends vos confrères des RFI tous les jours. Là, ils annoncent même, par exemple, au Tibesti ce matin, il y a encore eu une embuscade. Encore une embuscade au Tibesti, mais c'est pas possible. Quoi. C'est une région que vous connaissez depuis très longtemps. Hein. Vous y étiez déjà au début des années 70. C'est là que vous avez rencontré les Toubous dont vous nous parliez. Ils vous ont fasciné, les Toubous. Ce sont des nomades, ce sont aussi des guerriers. Qu'est-ce qui vous a plu et qui fait que vous avez passé autant de temps avec eux? Je sais pas, ils sont comme ça, ils sont tout en blanc, contrairement aux Touaregs, tout en noir, ils sont tout en blanc, ils sont là depuis très très longtemps, puisqu'ils ont, sont les seuls noirs du Sahara, ils sont francophones, et ils sont un peu distants, très discrets comme ça, et c'est vrai que c'est des chameliers, c'est des chasseurs, pour certains, et je les aime bien parce qu'ils me font rire, moi. Pourtant, ils ont rien de drôle. C'est vrai que mon père, un peu, la dernière fois, il m'a un jour demandé, mais qu'est-ce que tu as avec ces Toubous? Et j'ai pas su lui répondre sur le moment. Et puis après, je me suis dit, après tout, et plus tard, je me suis dit, mais au fond, ils sont très proches de lui, quelque part, pas au niveau de vie, mais quelque part, parce qu'ils sont... Mon père, il était très omnibulé par son taureau, sa vache qui était malade, et eux, c'est pareil. Quoi. Enfin, ils ont les mêmes préoccupations. Les éleveurs. Ouais. Les éleveurs, c'est à part. Quoi. Et mon père était très éleveur. Et ce sont des éleveurs et qui sont très... Ils sont pas belliqueux, ils veulent pas l'indépendance. Ils veulent simplement qu'on leur apporte un tout petit peu de choses qu'on leur avait un peu promises et nous on se sent un peu responsable. C'est l'éducation et la santé. Qu'ils oublient un peu tous les régimes qui sont au sud, là. Pourquoi il y a des problèmes au Mali? Pourquoi il y a des problèmes au Niger? C'est parce que les régimes, les capitales sont en bas, bien sûr. Bien sûr, c'est plus peuplé. Mais on oublie les populations du nord. Alors ils sont pas très importante au point de vue population. Mais après, il faut pas s'étonner qu'ils basculent, quoi, dans quelque chose de... Et donc, les Toubous, ça va, ils restent fidèles à l'état tchadien et ils passent par le français pour pouvoir parler avec les gens du Sud. Et souvent, ils me disent mais, que j'ai beaucoup duré, ouais. Comme, pour me reprocher de pourquoi je reviens si tard. Quoi, parce ouais. qu'ils aiment bien venir me voir. Ah oui, ils d'accord. Ils aiment bien que je vienne. Ils trouvent que vous mettez trop de temps entre oui, deux voyages. Alors, je me sens un peu responsable. Voilà, je suis non pas nationaliste français, mais je me sens un peu responsable d'un petit peu aller les voir de temps en temps. Ouais. Alors, vous étiez allé les voir notamment entre 1974 et 1977. Ça doit être un moment fort de votre vie, parce que pendant trois ans, les Toubous ont retenu avec eux, prisonnière hein, en quelque sorte, une ethnologue, Françoise Claustre, qui a donc été retenue chez eux au Tchad pendant trois ans. Et vous l'avez rencontrée, interviewée. Voici un extrait de l'enregistrement de Françoise Claustre que vous avez réalisé alors qu'elle était là-bas, chez les Toubous. Comme je l'avais déjà dit, je m'occupe aux petites tâches quotidiennes. Je lis un peu quand j'ai de la lecture. J'en ai pas eu pendant longtemps, mais je viens d'en recevoir. J'écoute un peu la radio. Et je prends un peu de réconfort auprès de la population qui reste bonne avec moi. Voilà. Au point de vue nourriture, pendant longtemps, je recevais des colis. Je me nourrissais avec un tas de boîtes de conserve et tout. Maintenant, je vis comme les autres, mais je ne m'en plains pas du tout, parce que, mon Dieu, vous savez, d'une façon générale, on mange toujours trop. Alors quand je mange à ma faim du riz, toujours du riz, mais il y a de l'huile, des tomates, il y a beaucoup de dattes en ce moment, j'ai pas du tout à me plaindre de la nourriture, que voulez-vous que ça me fasse, je mange à ma faim, et c'est pas le problème, c'est vraiment pas le problème. De temps en temps, d'ailleurs, on tue un chameau, ou un bouc, mon Dieu, je me plains pas du tout de la nourriture, ça va très bien. Raymond Depardon, dans quelles conditions avez-vous enregistré, effectué cet enregistrement? Ça doit correspondre à un souvenir fort. Oui, c'est très fort, parce qu'elle est restée 33 mois prisonnière comme ça, à part savoir quel était son destin du lendemain. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Ouais. Donc moi, j'ai fait la vidéo des preneurs d'otages. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit, si je la fais pas, elle risque de mourir, quoi. Donc j'ai fait le go-between entre elle et les rebelles Toubou et puis le gouvernement. Dans quel état vous étiez ? Vous étiez sûr, vous aviez un rapport de confiance suffisamment important avec les Toubou pour être sûr que vous y alliez, qu'on vous laisserait repartir, que ça oui. se passerait bien pour vous ? Vous étiez aussi un peu inquiet, vous le faisiez pour elle en vous disant que vous risquiez quelque chose ? Comment vous l'avez fait ? Ben, c'est-à-dire qu'en 1970, j'avais été voir un petit peu la rébellion pour voir à quoi elle ressemblait, cette rébellion, et on était tombé dans une embuscade. J'avais été fait prisonnier un mois. Donc je connaissais les Toubous. Ouais. Et au même moment qu'en 74, pendant la campagne de Giscard d'Estaing, j'ai vu qu'un otage et puis un autre, ils étaient deux, avaient été pris en otage. Et je me suis dit, faut aller voir, faut faire quelque chose. Parce que... Et effectivement, en plus, là où, vous voyez, on entend cette voix de Françoise Claustre, c'est un endroit incroyable. C'est à Modra, ouais. C'est une palmeraie de montagne, c'est un endroit inouï. C'est un des plus beaux lieux du monde. C'est une palmeraie qui est à 2000 mètres d'altitude. Il y a des sources d'eau chaude. C'est un Éden. Et à la fois, il y avait cette femme qui souffrait comme ça. Donc, on pouvait pas rester indifférent. Donc, l'idée, c'était d'un petit peu de faire, faire ce que j'ai fait, l'aller-retour. Ça a servi à quelque chose? Oui, parce qu'elle a été libérée. Elle a été libérée, libre. Ouais. Et j'en suis très fier. Je sais pas si c'est à cause de moi ou... Ça y a certainement contribué, hein. Ça a permis de faire, évidemment, entendre sa cause. C'est très paradoxal, parce que souvent, par exemple, il y a des combattants, là, des jeunes qui avaient mon âge, à un moment donné, quand je les quittais, il y en a un, je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais que je te ramène de France? Je vais revenir. Ils me disent, ça me ferait plaisir que tu me ramènes un livre en français. Et je dis, ça fait des mois qu'on parle ensemble et tu n'as jamais vu un livre français. Tu as appris comment le français? Je me dis, j'ai appris avec un tableau noir, avec un maître d'école, mais sans livre français. Je suis vraiment... Et, indépendamment de ça, il faut qu'on continue. On est obligé, puisque ces gens parle le français. Mmh. Et il le parle bien, avec plein d'humour en plus. Ouais. Je vous propose d'écouter la voix d'une autre rencontre qui a dû vous marquer. Alors, on avance un peu hein, dans le temps. Vous avez rencontré le commandant Massoud. Hein. Vous aviez été reporter de guerre. Vous aviez décidé, après Beyrouth, après le Liban, vous décidez d'aller en Afghanistan, d'avoir peut-être un rapport plus personnel avec les acteurs géopolitiques. Et vous rencontrez le commandant Massoud. Je vous propose donc de l'entendre. Il avait été interviewé par Christophe de Pontfilly et Jérôme Bonny lors d'une rencontre pour un documentaire intitulé Massoud l'Afghan. C'était en 98. Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. La première chose, ça, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça, c'est que nous, Moudjahed, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont maintenant pour la guerre, ils sont complets, comme on dit en français, complets. Ils sont prêts? Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. La voix du commandant Massoud, là aussi ça doit être un souvenir marquant pour vous, Raymond Depardon. Vous l'avez côtoyé pendant un mois dans les montagnes afghanes. Quel souvenir vous gardez de... J'étais le premier à arriver à Peshawar à m'intéresser à l'Afghanistan en 78. Et j'ai été sauvé justement par le fait que je ne parlais pas bien anglais. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui parle français. Et tout le monde... Et on m'a mis ce jeune étudiant... qui n'était pas encore le commandant Massoud, et qui est parti avec moi, qui parlait français, ce qui est assez rare de l'entendre parler français. Et j'ai fait un voyage des plus beaux du monde, puisqu'il m'a tout à expliquer, l'Afghanistan. On est parti au Nouristan, pas tout à fait dans sa vallée, et on a été plein d'histoires, encerclés par l'armée rouge, etc. J'ai fait ces photos, et grâce à lui, j'ai pu les ramener et passer de l'autre côté de la frontière. J'ai fait qu'une erreur, ce qui lui a valu d'ailleurs de quelques jours de prison, que je regrette beaucoup maintenant, parce que en fait, il y avait un Afghan en haut d'une crête sur un col, et il était magnifique, et j'ai sorti de ma tenue afghane, ouais, mon leka, ouais, et j'ai fait une photo, et donc là, je me suis démasqué comme étant un occidental, et j'aurais jamais dû faire cette photo. Et là, ça a bardé pour lui et pour moi, mais il a été arrêté et il m'a dit « cours très vite ». Et j'ai couru dans la montagne pendant 2 jours comme ça, et j'ai trouvé un camion, et j'avais même pas mes films avec moi, et puis une semaine après, il est arrivé avec mes films. Donc c'est vrai que j'aurais voulu le revoir, c'était un type formidable. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter les terrains dangereux, le reportage de guerre que vous avez pratiqué pendant près d'une décennie? Pourquoi un jour vous avez eu envie de passer à autre chose? Je pense qu'il fallait évoluer parce que tout le monde, tous les journaux s'arrêtaient, et les grands magazines devenaient s'occupaient que des vedettes, du People, etc. Il y avait la télévision reprenait sa vraie place, qui était une des premières sources d'information. Peut-être que aujourd'hui, il y a toujours des informations à faire en photographie, il y a toujours plein de reportages, mais c'est plus du tout la même chose. Et j'avais envie de passer à autre chose, peut-être de revenir peut-être un citoyen comme les autres, de photographier la vie quotidienne d'un pays, de ne plus y aller par temps de guerre, ne plus photographier la misère, la violence, et de voir est-ce que j'étais un photographe? Est-ce que j'étais un bon photographe? Ouais. C'est ce qu'on va voir dans un instant, hein, puisque vous allez quitter les terrains de guerre, mais vous ne renoncez pas à la photographie et au voyage. Il y en aura encore bien d'autres. Nous allons continuer à tourner les pages de vos albums photos. Raymond Depardon, dans un instant. I had it wrong right. Le temps d'un bivouac sur France Inter, Daniel Fievé. Today is the day, c'était Hills sur France Inter. Raymond Depardon, nous voilà arrivés dans les rues de New York. Hein. Vous entendez cette ambiance que vous connaissez bien. Nous sommes au début des années 1980, 81 plus exactement. En juillet 1981, le journal Libération vous ouvre ses pages. Alors, on n'est plus dans le reportage de guerre, évidemment. Là, c'est tout autre chose qu'on vous demande. C'est tous les jours une photo, une image, selon au gré de vos déambulations dans les rues new-yorkaises et quelques mots de légende. Alors, comment ça vous tombe dessus, ce projet ? C'était difficile. Hein. Moi, j'avais jamais photographié comme ça les gens dans la rue. Donc, pas de problème pour photographier des combattants. Mais c'est vrai que je voyais bien qu'il fallait peut-être arrêter les photos avec des Kalachnikovs. Ouais. Et photographier des gens dans la rue, les passants. Alors, j'ai eu la chance parce que New York était plutôt une ville très accueillante à ce niveau-là. Et j'ai appris à faire des photos comme ça dans la rue. C'était difficile pour moi au début. J'y arrivais pas puisque je me disais mais ça a aucun intérêt. Et puis tout doucement, j'ai photographié des choses plutôt assez pittoresques. Et l'Amérique aussi a ce niveau de tolérance. L'espace public, comme au Japon d'ailleurs, est quelque chose qui fait partie de la démocratie. C'est quelque chose qui est important. Et ils sont peut-être un peu en avance sur nous de ce côté-là, c'est-à-dire le partage de l'espace public. Donc une photo, pourquoi pas, mais ouais. Il faut aller vite, pas insister, et puis sourire, comme si j'étais un touriste au fond, ouais. Et puis voir un peu au fond finalement... C'est formidable les rues de New York parce que il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais c'est vrai que ça m'a demandé une vraie mutation, une vraie transformation. Je me suis demandé qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et au fond, la générosité américaine m'a beaucoup aidé. On le sent dans les légendes parce que chaque photo est accompagnée de légendes et on sent ce désarroi, cette façon de se chercher un peu. Il y a cette photo avec une petite fille à la fenêtre d'un taxi new-yorkais évidemment, et vous écrivez ces quelques lignes en dessous de la photo. Alors, faut voir une petite fille avec des couettes et un joli sourire. Je ne saurais jamais rien de cette petite fille que j'ai croisée dans un taxi au coin de la 42e rue de Broadway. C'était peut-être la première fois qu'elle visitait New York, habituée depuis 20 ans à couvrir des histoires, libérée, je me sens un peu perdue. Il me faut réapprendre à regarder. Oui. Le photographe que vous êtes a besoin de réapprendre à regarder à ce moment-là. Et oui, à regarder normalement. C'est ça aussi l'espoir pour tous les jeunes photographes d'aujourd'hui, c'est de faire des photos normalement au coin de sa rue ou de partir à la rigueur au Japon ou à New York, mais faire comme si on était au coin de sa rue. Ouais. C'est peut-être ça la nouveauté, la modernité de ce... C'est fantastique, c'est formidable la photo. C'est formidable parce que on rencontre les gens et à la fois on les rencontre pas, mais on les rencontre quand même. Ce que le public a pu découvrir aussi, c'est ce talent d'auteur. Hein. Ce sont ces légendes, hein, parfois décalées, qui ancrent les photos ou parfois qui ouvrent le champ. Je vous propose d'écouter un autre grand photographe, Henri Cartier-Bresson, parler de l'importance des légendes. Certaines photos doivent se passer de légendes, peut-être juste une indication de lieu et de date. D'autres photographies, elles doivent être situées dans leur contexte, parce que c'est là qu'il peut y avoir une tricherie. J'étais en Russie en 1955, dans un musée, et il y avait un bonhomme extraordinaire avec une barbe. Il sortait de toute la littérature russe d'autrefois. Mon interprète me dit « Mais ce monsieur n'est pas représentatif. » Bon, alors on se borne à faire des généralités, des tableaux d'histoire. La vérité, c'est le petit détail significatif. Il fallait préciser cette chose-là. Ça, c'est une photographie de dame en tablier dans un village, les bras croisés, en train d'écouter. Bon, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Et puis il y a le chien qui est là, ils sont tous groupés sur les marches. On ne peut pas montrer pile et face dans la photographie. Alors si on n'indique pas que ces dames sont en train d'écouter De Gaulle qui leur parle, eh bien, ça n'a pas d'intérêt. Ou ça retire beaucoup d'intérêt. C'est un plat qui n'est pas présenté complètement. Je crois que la légende doit être simplement une chose qui cerne la photographie, qui est peut-être en contrepoint quelquefois, mais tout ce qui n'entre pas dans l'appareil photographique doit être inscrit. Henri Cartier-Bresson, alors vous êtes d'accord avec lui, Raymond Depardon, parce que certains disent une bonne photo se suffit elle-même, elle n'a pas besoin de légende. Lui dit la légende est complémentaire. Oui, c'est ça, les deux. Moi, j'ai beaucoup été aidé plutôt par Barthes, parce que Barthes, en fait, il disait qu'un texte peut être ancrage ou relais. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai plutôt pensé, quand j'ai fait ces photos pour Libération, j'étais gonflé, parce qu'il y a un moment donné, j'ai fait une photo à Park Avenue, qui est quand même l'avenue la plus riche du monde. Et au fond, et puis je sais pas pourquoi, en allant au labo, j'ai pensé à mes parents qui faisaient les foins à la ferme du Garret. Et j'ai écrit, voilà, c'est la période des foins à la ferme du Garret, sur cette photo de Park Avenue. Ouais. Et au fond, voilà, peut-être. Mais c'est ce qui a fait tout le sel de cette série. Oui, c'est ce regard décalé et peut-être un peu amusé sur ce que vous voyez. Nous restons en ville, mais nous changeons d'ambiance. Soyez le bienvenu à Tokyo. Merci beaucoup. Je m'appelle Kawasaki. C'est un plaisir de vous connaître. Merci. Je vous présente Monsieur Mori de Saint-Oli. Enchanté. Madame Shibata. Ah, ça tombe à pic. Je vous présente Monsieur Minami. Très honoré, monsieur. Bonsoir, merci. Enfin, Monsieur Tanaka. Merci. Merci. Vous voulez qu'on passe vous prendre demain matin? Ok. Ok. Alors, à demain, ok? Bien, très minimaliste, oui. Très japonais, okay. J'adore ça. Bonne nuit. Merci. C'est pour bonne vous. Nuit. Merci. Extrait du film Lost in Translation. Alors Raymond Depardon, vous êtes allé de nombreuses fois au Japon et c'est un pays et ce sont des villes, Kyoto et Tokyo, qui vous fascinent, qui vous passionnent. Oui, mais alors là, j'étais dans une contrainte de temps. Ouais. Parce qu'on pense, effectivement, moi j'ai fait partie de cette génération où aller au Japon, il fallait connaître le japonais, connaître toute la philosophie japonaise, etc. Sinon, il fallait pas toucher au Japon. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes, de gens qui ont envie d'aller au Japon, mais ne serait-ce que 15 jours, une semaine, pour voir d'abord. Ouais. Et c'est très facile. C'est très facile et c'est très intéressant parce qu'ils sont en avance sur nous. Ouais. Vous avez l'impression d'un voyage dans le futur quand vous y allez. Oui, oui, ils ont 10 ou 20 ans de plus avant nous, quoi, bien sûr. D'abord parce qu'ils partagent l'espace public d'une manière très différente. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous et tout se passe plutôt bien. Les transports en commun, c'est une merveille. Et au fond, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de mots et puis on s'en sort quand même. Ouais. Maintenant, c'est en anglais, donc en plus, on s'en sort. Voilà, les Japonais, ils vous regardent pas. Alors, c'est très étonnant pour une civilisation latine comme la nôtre. Et à la fois, bon, on peut faire des photos, mais il faut pas en faire trop parce que ça peut aussi les déranger. Donc, il faut aller très vite. Et c'est très agréable. Et surtout, les couleurs sont... c'est tout en pastel et c'est un pays qui voilà mérite d'y aller plus souvent, bien sûr longtemps, mais moi c'est un petit livre de poche que j'ai fait. Oui, alors je le mentionne, ce livre, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, parce que c'est quand même loin, le Japon, on peut aussi consulter votre livre « Japon Express, de Tokyo à Kyoto » aux éditions Point Seuil. Un grand merci à vous, Raymond Depardon. Restez avec nous, parce que dans un instant, je vous présente à un autre voyageur invétéré, Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard. Mais tout de suite, on écoute Johnny Hallyday en compagnie de Jimmy Page, qui à l'époque n'était pas encore un guitariste de Led Zeppelin. À tout casser, c'était Johnny Hallyday et Jimmy Page sur France Inter. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion. Toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. Un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Tout. Bonjour Pierre Josse. Bonjour Daniel, bonjour Raymond Tevardon. Rédacteur en chef des Guides du Routard, nous vous confions chaque semaine le soin de nous conter un ou deux souvenirs de voyage en lien avec notre sujet et notre invité. Vous vous êtes trouvé des points communs avec Raymond Tevardon, au moins le goût du voyage, peut-être celui oui. de la photo. Et puis surtout, on a un amour pour la Bolivie, oui. son histoire, la cruelle colonisation espagnole, les 150 coups d'État, les luttes des mineurs... Et puis l'élection du premier président indien d'Amérique du Sud. Et puis beaucoup d'émotions à chaque voyage, ça c'est clair. Et notamment, la route de la mort, qui mène de La Paz à Coroaco. Environ 70 kilomètres de route vertigineuse en terre battue, creusée dans la montagne, très étroite. Deux véhicules ne peuvent pas se croiser, donc il y a des petites aires de croisement. Bien. Et une quarantaine de bus ou de camions basculent dans, basculaient parce que maintenant il y a une nouvelle route depuis quelques années, mais pendant deux siècles, basculent dans les 1000 mètres d'abîme chaque année. Et ma compagnie de bus s'appelait Morales Moralitos. Vous savez comment on l'a baptisé localement? Non, Mortales dites-moi. Mortalitos. Oui, d'accord. Alors, je peux vous dire que sur plus de deux heures de route, j'ai eu la trouille de ma vie. C'était d'ailleurs, mortel. D'accord. Pour revenir de Coroaco à La Paz, j'ai pris un camion et assis sur la ridelle, prêt à sauter en cas de danger ou en cas de chute. D'accord. Donc, anecdotes et péripéties pendant ce voyage vous sont arrivées? Oui, en cours de route, on s'est arrêté dans une chicheria. Alors, la chicheria, c'est là qu'on fabrique la chicha, la boisson nationale des Aymaras. Les Indiens de Bolivie. Alors, c'est repérable à une hampe au-dessus de la porte, ornée d'un chiffon rouge. Alors, c'est pas une succursale du PC bolivien, pas du tout. Ouais. Et à l'intérieur, je repère de suite cette demi-douzaine de vénérables vieilles dames autour d'une immense jarre de terre cuite et qui s'empare d'épis de maïs. Alors, qu'est-ce qu'elles en font? Eh bien, les mâchent consciencieusement avant de balancer la bouillie dans la jarre. Ouais. Et ça fermente pendant 48 heures grâce aux enzymes dans la salive. Ça prend quelques degrés d'alcool. Ah oui. Et puis après ça se on le déguste après. Dégustations. D'accord. Alors on m'en propose un verre que je décline poliment. Vous n'êtes pas courageux, et je dis, hein, Pierre. Je dis préférer un maté de feuilles de coca souverain contre le soroch, qui est le mal de l'altitude locale. Ouais. Et à Coroaco, alors qu'avec mon 300 mm, je fais des photos d'un enterrement dans un cimetière indien, l'une des femmes de la cérémonie, je me croyais bien planqué, mais elle m'avait bien vu, elle vient vers moi avec un large sourire, un verre à la main et un broc de chicha. Ah ben voilà. C'est ainsi que, ne voulant pas rompre l'éternelle amitié entre la France et la Bolivie, j'ai bu mon premier verre de chicha. Alors, comme dans les tontons flingueurs, je peux vous dire, ça avait le goût de pomme. Alors, vous savez que on peut faire cette route maintenant en vélo. Oui, en VTT, exact. En VTT. Ah, voilà. C'est peut-être moins dangereux qu'en voiture. Ah, je sais pas, oui, faut voir. Alors, à propos de photos, Pierre Josse, vous avez encore un point commun avec Raymond Depardon. À une très, très modeste échelle. Oui. Mais l'amour des paysans, oui. Je partage. J'ai adoré d'abord son film La Vie moderne. Là, vraiment, je suis vraiment rentré d'eux. Et puis, ces paysans taiseux, c'est assez exceptionnel. Et ce sont aussi d'extraordinaires paysagistes, en harmonie totale avec la nature. Au Pérou, par exemple, je suis toujours en admiration devant les cultures en terrasse inca de Pisac, dans la vallée sacrée du Machu Picchu. De même, les rizières du Yunnan, de Bali, de Vietnam, qui sont des montagnes sculptées de façon harmonieuse. Et puis, il y a quelques années, je rédigeais le guide du Routard Bulgarie, et en même temps, je préparais, depuis longtemps, un album photo sur les paysans du monde. Et en panne de bons clichés, vers la fin du voyage, je tombe en pleine montagne, sur une petite ferme, sortie directement du Moyen-Âge. Et là, sur le pas de la porte, un grand gaillard dépenaillé, beau comme un tracteur, et une gueule magnifique, ravinée, brûlée par le soleil. Ça a fait une jolie photo, du coup, Pierre? Eh ben non, pas du tout. Faute imperdonnable pour un photographe. J'oublie d'établir un minimum de contact avec lui. J'avais un musée à visiter derrière, vous pensez? Et je lui demande presque abruptement si je peux prendre en photo. C'est alors qu'il me dit « Non !» Imaginez ma déception. C'est alors qu'il me prend vivement par la manche et me traîne dans son immense potager. Et voilà qu'il m'explique sa production. Humer ses superbes tomates, autorisant à croquer dedans. Humer les oignons, goûter ses voluptueuses cerises. Et au bout de 20 minutes, on revient à la ferme et il me dit avec un grand sourire. Maintenant, c'est OK pour la photo. Eh ben voilà. Et ce jour-là, vous avez ce jour-là, j'ai pris une grande leçon d'humanité. Oui, merci Pierre-Georges. Je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, Chronique vagabonde, une coédition à Hachette Le Routard. À la semaine prochaine. Et puis Raymond Depardon, je cite aussi cette expo en Arles sur l'Amérique que vous avez réalisée, hein, des photos que vous avez réalisées. C'est jusqu'au 23 septembre. Et puis il y a aussi le livre USA aux éditions Xavier Barral. Un grand merci à vous, merci. Raymond Depardon, d'être passé par notre bivouac. Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine. Demain à 16h, nous plongerons dans les eaux polynésiennes à la rencontre des requins. Et à 17h, nous vous raconterons l'histoire de femmes qui ont bravé tous les interdits pour participer aux grandes expéditions maritimes du XVIIIe siècle, époque auquel elles n'étaient pas les bienvenues à bord. À demain donc pour de nouvelles aventures.